Mais bonsoir et bienvenue à la folie choquée numéro 19. Alors, c'est dans cette période du mois de Octgobg. Nous sommes le Pogamier. Non, qu'il va arrêter de bégayer. Nous sommes le 1er octobre. Ouais, je fais exprès pour bégayer. Faut-tu être calme? Le 1er octobre 1900-2007. Et puis, ben c'est ça. Nous sommes dans les périodes des accommodements raisonnables. Et puis, comme... Ça, c'est MIRC. Ouais, dans les accommodements raisonnables, je pourrais dire que ça a été un peu... Roy Dupuis qui a dit la plus belle phrase, et ben, le plus bel argument pour dire que les accommodements raisonnables, c'est cool, mais ça fonctionnera pas parce que la plupart des gens qui pour lesquels on a des contentieux, ben c'est parce qu'ils ont des croyances, et dans leur croyance, ils disent « ils ont raison ». Et puis, quand que quelqu'un dit « j'ai raison », on peut pas accommoder, ben on peut pas jaser avec eux autres, t'sais. C'est tout. Alors, je voudrais aussi en profiter pour envoyer chier le maire de Saguenay qui a prétendu dans le Journal Montréal que les femmes qui se font avorter, ce sont des meurtrières et que ce sont des criminels. Ben, il va chier, monsieur le TDC. Et puis, nous allons aller avec la musique aussi, monsieur le TDC. Tabarne, ça vient, je viens... Excusez-moi, monsieur... je voudrais aussi m'excuser envers tous les trous de cul parce que je viens de vous insulter. Je viens de vous traiter avec une égalité avec le maire de Saguenay. Puis, je suis pas d'accord. Finalement, je me trompe. Le maire de Saguenay n'est pas un trou de cul parce que c'est pas vraiment fair pour les trous de cul. ouais, ça va être du Falabi Effect. C'est un esti de bon groupe. Ouais. Ça va être que. Je pense que je vais mettre la toune. La toune. Ben, je vais aller chercher sur mon ordinateur, document, musique, dégèle. J'ai un vieil ordinateur, il gèle pendant que je suis en train de faire une émission de radio. Bon, iTunes. Esti. Pour avoir les fichiers, là, ça me prend du temps. Shalabi Effect. Pink Abyss. Le CD, c'est Pink Abyss. Et puis la tune, je pense que ça va être... We'll never make it out of here. Hey, pro. Je vais aller voir si c'est vraiment cette tune-là. C'est ça le travail. Librairie. Ah, c'est que c'est pas très radiophonique. Shalabi. Research. Research. Research interface. Ouais. Bon, on va checker ça. Ça va être We'll never make it out of here alive. We'll never make it out of here alive. C'est exactement ce que je voulais. Que j'ai dit. Alors, bonne chance! C'est une toune assez longue, quand même, 8 minutes, mais elle est crissement bonne. Et puis, nous allons revenir tantôt. T'allez! Thank you. Thank you. week-end une très bonne tune de Charlie B. Effect. Et puis, je suis très heureux. Ouais, je suis en train de rénover mon salon. Oui, nous sommes en automne maintenant. Première émission de l'automne. On va y aller avec du Solex. Je sais pas si je l'ai incluse dans mon ordinateur. Solex. Je pense que non. Je pense que non. Solex. C'est-à-dire qu'il n'en reste pas beaucoup de S. Les S, c'est populaire dans le monde des artistes. Alors, si vous voulez avoir un nom populaire ou ressortir, ou pas ressortir, dans le fond, c'est qu'il y en a beaucoup de S. Ayez pas de S dans votre nom d'artiste, si vous êtes un artiste. Ça va être Solex avec la toune. Oh, la pièce. Non, pas celle-là. Ça, c'est pas correct. Là, bâtard. On va chercher. Non, pas. Oui. Escargot, ça. Pensez-vous que ça serait une bonne toune, ça? Ah, non, ok, ça c'est une meilleure toune. Alors je vais mettre la pièce, c'est fun de choisir ensemble. That's what you get with people like that on cruise like these. Let's go. Je suis pas bon en anglais, hein? Asti que je suis bon. Voilà qu'elle est en train de ripper. Je vais vous passer ma sonnerie de téléphone. Je l'aime assez, là. Si j'ai du fun. J'ai du fun. Mesh. Ben, c'est ça. Le canard malheur. Ouais. Le canard malheur. Est rendu à l'Argo, Solex. Et Pick Up, l'album Pick Up. Et puis la pièce que je vous ai dise. That's what you get with people like that on crews like these. Bang. Bonne soirée. Hey, c'est bon. Ben, c'est bon, c'est spécial. C'était un artiste qui faisait partie du cadre de disque de Les Sabotage. Eux autres, là. Beastie Boys. Excusez, pardon. Et puis, on va y aller avec une toune du frère de quelqu'un que je connais, qui fait que c'est ça. Il a fait musicien, puis il a fait une toune. Puis, maintenant, j'ai acheté la toune, sans me rendre compte, c'était des affaires. Puis, maintenant, c'est lui, c'est elle. Puis, c'est ça. Je veux plus la part. Ouais, life sucks. Just life sucks. Ouais, c'est quand tu te sens pas comme pas bien, là. Puis tu dis que la vie, elle suce. Ben, t'écoutes ça. Ben, c'était le groupe Les Rotten Heads. Un groupe qui a pas vraiment fait parler beaucoup de lui à la radio. Heureusement qu'il n'y a pas un petit groupe qui a fait parler de lui à la radio dans ce que je passe dans mon émission. Ça aurait fait bizarre. Ok. Un succès souvenir de. Qui est. Dans le fond, qu'on s'en souvient pas. Excusez, pardon, j'ai accroché mon piton. Silver Apples. Ouais. La toune part, là, c'est Silver Apples. I have known love, and love is one. I burned my fingers on the sun. I've been imprisoned in the moon. I've been imprisoned in the moon. I have known love, and love is one. And I have learned what truth denies. I drank the teardrops from her eyes. I have learned what truth denies. I drank the teardrops from her eyes. And I surrendered much too soon. I surrendered much too soon. I have learned what truth denies. I never heard the warning voice. I never knew I had a choice. I never heard the warning voice. I never knew I had a choice. So I never wanted to return. I never But I have sailed upon the boat that flew when there was room to float. But I have sailed upon the boat that flew when there was room to float. And I drank out of the magic air. I drank out of the magic air as I sailed upon the boat. And I have slept inside the shade, encircled by the lovely bay. And I have slept inside the shade, encircled by the lovely bay. And I've kissed the face of dreams. Yes, I've kissed the face of dreams. I've slept inside the shade, and I have ridden on the glow that warms the sky with a rainbow. I have ridden on the glow that warms the sky with a rainbow. I've waited in its golden streams. I've waited in its golden streams. I have ridden on the glow, and I have danced between the stars to music sung by sweet guitars. And I have danced between the stars to music sung by sweet guitars. I've done some things that can't be done. I've done some things that can't be done. I've danced between the stars, and I have smiled inside the storm, reaching higher to keep warm. And I have smiled inside the storm, reaching higher to keep warm. I've known love and love has won. I've known love and love has won. I have smiled inside the storm. I've burned my fingers upon the sun. Oui, c'est assez particulier, hein? C'est un groupe des années 70. Si je peux lire là-dessus, 60, même pas. Je me suis fourré! C'est même pas 1970, c'est 1960. Hein? Il en faisait-tu de la musique des années 60? C'est incroyable. 1968, 1969. Les deux dates, sur le CD. Fuck. Ouais, je veux dire aussi qu'au maire de Saguenay, là, qui mange la merde, là, ouais, juste pour vous dire à quel point ça peut être choquant de voir que maintenant, tu sais, on est en 2007, là, OK, il y a à l'ère des accommodations raisonnables, on est en train de se poser des questions si ça a de l'allure de s'accommoder de situations particulières comme ça. Ce style maire-là, à Marde, il a dit que, bon, ben, premièrement, qu'il est ultra-catholique, et puis qu'il mélange sa fonction de maire avec la religion, c'est parce qu'une religion, là, en principe, ça devrait être personnel. En plus, aussi, ça pourrait être inexistant, mais dans le pire des cas, ça pourrait être personnel. Mais ça, c'est le pire des cas. En principe, ça devrait pas, on devrait pas en entendre parler, on devrait être comme libre. Tu sais, c'est ça le fun d'être libre un jour, tu sais, surtout des affaires comme de tout ça, là. T'sais, on pourrait être pauvre, là, puis ça, c'est notre faute, ou mais dans, on pourrait être pauvre, là. Au pire, on pourrait dire, ah, c'est correct, on est pauvre, là, ça va mal. Mais pourquoi être pogné dans le style de religion à merde qui nous fait chier, puis qui, ben, qui, pas qui nous fait chier, mais qui nous rend malheureux? C'est comme avoir une dette. Ça, c'est comme, pas avoir d'argent, c'est comme avoir une dette, là, tu sais. Mais comme être religieux, c'est comme avoir une dette envers notre cerveau. C'est comme, t'es pogné pour pas pouvoir vivre tout de suite. C'est la même affaire. C'est l'enfer, tu sais, les religions, là, c'est dans le fond, la peur de mourir, dans le fond, nous quand on a peur de mourir, on s'arrange pour arrêter de vivre. Fin. Puis pour, je sais pas, éliminer notre sagesse. Notre sagesse. Ouais, la peur de mourir élimine notre sagesse, imagine. Ça veut dire qu'on nous enlève la qualité de vie parce qu'on a peur de ce qui va arriver, mais qu'on vive plus. Je veux juste, tu sais, comme... je sais pas s'il y en a qui ont compris, mais j'ai peur, tu sais. Aussi bien avoir une belle qualité de vie pendant qu'on vit que à plus avoir de qualité de vie pour en cas qu'on vit après qu'on vit plus, là, quand on meurt, il se passe de quoi? Bon. Ce style de mère-là, à marre de Saguenay, là, je me rappelle même plus de son nom, mais je veux pas le. C'est la marre, là. Pas de nom, là. Ultra-catholique, il veut absolument qu'on dise la prière à chaque fois qu'on va au conseil d'administration de sa ville. Oh boy! Une prière religieuse pour un conseil d'administration d'une ville. Je sais pas si c'est rien que moi qui trouve ça complètement débile, mais. Je sais pas. Arrêtez de voter pour lui, calice de gang de cave. Si! Là, il s'est dit, bon, on va dire que toutes les filles de 15-20 ans, là, 15-20 ans, qui se font avorter parce qu'il leur est arrivé une situation qui n'était sûrement pas enviable. Ce sont des criminels et des meurtrières. OK, hey, ça va faire, là, le bip-bip. OK. C'est comme assez gratuit, mettons. Moi, là, une fille de 15 ans là, qui se fait avorter, j'ai pas le goût de la traiter de meurtrière. C'est pas, en principe aussi, la loi au Canada, c'est ça existe, là. Puis... c'est pas un crime, c'est pas un meurtre que de se faire avorter. Hein? Et puis, même les pays les plus débiles comme, je sais pas, la Pologne? Oui, en Pologne, ils ont décidé de se dire, oh, peut-être qu'on devrait légaliser l'avortement parce qu'il y a à peu près une millier de femmes qui meurent suite à des avortements clandestins à chaque année. Fait que c'est peut-être un peu cave. Tu sais, quand tu prends des risques aussi énormes, là, c'est peut-être parce qu'il y a une raison. Ouais. Faut-tu être débile pour pas jamais prendre en considération ces choses-là, puis dire qu'une femme qui se fait avorter, c'est une meurtrière. Et en plus, là, il y a une affaire ultra, ultra pire là-dedans, là, c'est que c'est un homme. Tu sais, le gars, là, il en a peut-être fourré un paquet de petites filles. On le sait pas, là. Je veux dire, c'est gratuit. Il a peut-être fourré un paquet de petites filles, puis qui sont tombées enceintes, puis dit, ah, oh, je m'en calisse. Mais si tu t'avortes, t'es une meurtrière. Moi, j'ai rien à me reprocher. Mettons qu'il l'a pas fait. Son attitude reflète cette attitude-là, puis ça m'écœure. Si j'étais un gars, là, puis ça m'écœure. Si les femmes, là, faudra peut-être commencer à en prendre soin un petit peu plus. Là, je comprendrais un peu les féministes de capoter. Ils ont pas capoté, là, mais ils devraient. C'est comme le temps. Ah ouais, à un, à deux, à trois, à go. On capote les féministes, go. En tout cas, je pense pas qu'il y ait bien des féministes qui écoutent du bruit comme ça. De toute façon. Silver Apple, c'était la toune. Non, c'était pas celle-là. C'était la toune numéro 15 de l'album. L'album Silver Apple. Éponyme, je l'ai crissé à terre. Et puis, c'était la toune I Have Known Love. Ben ouais. Ça, c'était une ode à tous ceux qui ont connu l'amour. Eh ben, bien heureux ceux qui ont connu l'amour. Et puis là, j'ai plus de CD sur mon bureau. ouais. Fait que là, je vais vous passer un. Ah, j'ai des bruits dans mon ordinateur. Ouais, j'ai reçu un spam de Yahoo. Auto-response, ça a fait bidding. Je vais aller fouiller dans ma bibliothèque et je vous passe de quoi tout de suite. C'est la folie choquée numéro 19. Bientôt, ouch, bientôt 20. À moins que je me trompe, attends une minute, toi. Je m'en allais voir foliechoquée.com. Oups, foliechoquée.com. Ouais, non, c'est la 19. Ah oui, puis j'ai bien aimé ma soirée de Pod Montréal, que j'ai été jeudi passé. C'était belle fun. J'ai rencontré des gens qui font des podcasts. Puis, ils sont plus professionnels que moi. Ils sont forts. We'll be right back. said what you said. You said drop dead. Oh no, oh no. I need you now, 'cause I know you got nowhere to go. Schizo action, baby. Create a scene. I'm the type of guy to boost yourself. Ouais, c'était du Sonic Youth. Je t'ai passé du Sonic Youth sur l'album Expérimental Jet Set, virgule Trash and No Star. C'était la toune Self-Obsessed and Sexy. Mais Sexy avec deux E. S-E-X-X-E-E. Self-Obsessed and Sexy. Ouais. Quelle bonne toune de Sonic Youth. Pour l'instant, je vois quasiment un culte à Sonic Youth parce que j'ai tout le CD, puis j'écoute ça quasiment à tous les jours. Non, pas à tous les jours, mais à tous les semaines, ça c'est sûr et certain. À tous les semaines, ah, c'est que j'écoute ça. Oh là là, ils sont vieux, mais ils sont bons. Ah oui, j'ai oublié de... Ah, va donc chier, mère de Saguenay. Moi, je peux pas craindre ça. Ça. J'en reviendrai jamais comme ça. Oh là là, badabadabadabada. Hey! Nous sommes dans les S. Et je vous passe une autre toune avec un artiste qui commence par la lettre S. Puis ça va être proche de ça, le Stereo Lab, j'imagine. Je sais pas. Je vous passe ça. Ouais, c'est un retour que je fais pour dire que ça sera pas du Stereo Lab. Ça va être une compilation sous la neige. avec Mitchell Akiyama et Fodercom, Some Will Go. Là, si je parle fort comme ça, c'est que mon micro vient de le fucker en plein milieu de mon émission. Et puis, le son, il est super pas fort. Calice de tabarnak. Et puis, c'est pas grave, mais tabarnak pareil. Bonne écoute. Mon micro, il est fucké. Mon software, il est fucké. Puis, il faut que je parle comme à 2 pouces de mon micro. Pas à 2 pouces, là. Faut que je l'aille dans la gueule, là. Ah ouais, dans la gueule. Les messieurs rentrés dans la gueule. C'était Sous la neige. C'était très bon. Et puis, maintenant, ça va être Speedy G. OK. Là, c'est juste une toune de techno ordinaire. Je mets ça. Puis, après ça, comme super poche. J'ai acheté ça pour jouer ça dans mon char pour quand que je voulais impressionner des pitounes. Mais je connais pas de pitounes, fait que je vais aller vous impressionner. Speedy G, DJ, Coco, pick-up des détracteurs. Let's go! Et puis, ça fait-tu assez rave à votre goût? Faut que je parle fort. Parce que mon ordinateur vient de fucker mon micro. Calier de tabernacle. Que... Togurgue. Alors là, je vais vous passer du Spire That in the Sunset Rise. Oui. C'est de la musique un petit peu. Ah, c'est-tu de MIRC à la marde que je vais le quitter tout de suite. Right, straight, right through. Alors, c'est du musique qui est un petit peu psychédélique, joué par des filles. C'est un paquet de pitounes. Sinon, je le sais pas, il n'y a pas de photos aussi de CD. Chris, quand même, c'est des filles qui font des CD, ils devraient mettre des photos qu'on aime ça ou pas. Ça veut dire qu'on aime ça plus ou moins. Fuck. C'est une petite blague. Alors, Spire, that's the sunset rise. Go. Oui, c'est où ce qui est mon piton? Il est là. Thank you. suis carrément nul. C'est vraiment, je fais mon émission avec un micro qui est vraiment fucké. Le micro, il l'est pas en tant que hardware, mais en software, il l'est. Alors, c'est ça. Je vais parler de là, je vais faire le dans les dents. C'était de Spire That Thunderfoot Rise. Alors, c'est une fin d'initiant. Oui, et si je vais mettre une dernière tune, ça va être du Square Passer au monsieur. Square Passer, oui, monsieur. Je vais mettre une pièce que je ne peux pas vous dire tout de suite parce que je ne peux pas la lire. En ce moment, j'ai le micro dans la gueule. Alors, bonne écoute de Square Passer. Non, ne parle pas tout de suite, je n'ai pas fini de parler. Je pense que je vais mettre une tune, ça va être la 9. My fucking sound. Fait que c'est ça, fait que bonne fin d'émission et puis à la prochaine. Ceux qui sont, ceux qui se disent, ah ben bâtard, est-ce que c'est pas drôle? Ben, tant pis pour eux. Salut. We'll be right back. bonne fin de soirée. C'était Square Pas Cher avec la pièce Go Plastic. Fait que c'était ça, là ça finit. Et puis c'est ça. Micro foqué, mais c'est pas grave, ça va revenir la prochaine. Bonne suite.